de fées en français. Maya l'abeille. Il était une fois, au fin fond de la forêt, une ruche d'abeilles dans un arbre. C'était un jour important pour le monde à l'intérieur, car aujourd'hui est le jour de la naissance des bébés. Mais ceci est l'histoire de quelqu'un de spécial. Mes yeux me brûlent. Pourquoi fait-il si noir ici? Waouh! C'est l'histoire de Maya l'abeille. Allez, viens, sors-les d'ici. Reste à ta place maintenant. Nous allons t'appeler Maya. Maya. Attendez, pourquoi Maya? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nom? On m'avait dit que je devrais répondre à des questions. Nous avons des noms pour que les autres puissent nous appeler, tu comprends? Si je dis juste, toi, l'abeille. Hein? Oui? Quoi? C'est à moi que tu parles? Tu comprends pourquoi on a besoin de noms? Oui! Parce que nous sommes toutes semblables, mais toutes différentes. Oui, c'est absolument vrai. C'est une très bonne remarque, ça, Maya. Allons, les amis, suivez-moi dehors. Waouh! Maya était en admiration. C'était comme être dans un ballon brillant et doré. Toutes les abeilles étaient occupées par leur travail. Certaines nettoyaient les murs de la ruche, d'autres laissaient tomber du pollen dans quelque chose qui ressemblait à un diamant, d'autres marchaient simplement en ligne. Bon, maintenant, vous serez toutes assignées à travailler. Celles qui nettoient les murs sont les nettoyeuses. Ensuite, nous avons les abeilles collectrices, les abeilles ouvrières. Pourquoi devons-nous toutes travailler? Quel genre d'abeille es-tu? Les abeilles ne posent pas de questions. Oh, ne sois pas si dure, Julianne. C'est juste une enfant. Maya, nous devons travailler, car si nous ne le faisons pas, nous serons toutes très confuses et inutiles. Si les nettoyeuses ne nettoient pas, la ruche se salira. Si les abeilles collectrices ne collectent pas de nectar... C'est quoi le nectar? Le miel est fabriqué à partir du nectar des fleurs. Là! Tu les vois? Ce sont les abeilles collectrices. Elles ramènent le nectar des fleurs et les ouvrières en font du miel. Les abeilles collectrices apportent le nectar des fleurs, mais comment portent-elles le nectar? Oh, ma chère enfant! Dans leur ventre à miel, bien sûr. Nous en avons tous un. Oh! Est-ce là que je sens la faim en ce moment? Oh, pas du tout. Ça, c'est ton estomac. Ouais. Si nous continuons à répondre à ces questions, nous serons coincés ici toute la journée. Pourquoi nous ne pouvons pas rester ici toute la journée? Les jours passèrent. Toutes les nouvelles abeilles avaient reçu différents emplois. Certaines devaient nettoyer la ruche de l'intérieur. Certaines devaient dégager les feuilles sèches à l'extérieur. Certaines recueillir du nectar à partir des fleurs. Certaines devaient protéger la ruche contre les prédateurs. Tout le monde avait une place fixe, sauf Maya. Elle voyait toujours les choses différemment. Lorsque tout le monde nettoyait les murs avec leurs mains, elle soufflait simplement sur les murs et réfléchissait au travail accompli. Et quand les abeilles marchaient en ligne... Pourquoi tu me déranges? Oh! Tout le monde craint de ne pas trouver ma place. Alors, j'essaye de voir si je peux marcher comme toi. Eh bien, tu le fais vraiment, vraiment, vraiment très mal. Mais tu es toi et je suis moi. Comment puis-je marcher comme tu le fais? Dis-moi, peux-tu marcher comme ça? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, bien sûr que je le peux. Regarde. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu me distrais. Voyons, ma chère petite enfant, quel genre d'abeille es-tu donc? Oh non, j'ai du retard sur les autres. Cassandra, l'abeille ouvrière, Et même la reine elle-même ne pouvait placer Maya nulle part. Elle regardait tout en admiration et posait beaucoup de questions. Qu'y a-t-il sur ta tête, la grosse abeille? Mais tu ne peux pas parler comme ça, notre reine, voyons! Oh, je suis désolée, votre majesté. Dis-moi, Maya, pourquoi ne peux-tu pas travailler là où tu le veux? Ah, je ne sais pas. Tout le monde ici est toujours tellement occupé. Ils travaillent, travaillent, travaillent, travaillent. Je ne suis pas heureuse quand je les vois. Mais je me suis sentie heureuse ce jour-là quand je suis tombée de ce diamant et que j'ai volé et volé et que je suis partie. Wouh! Mon rêve est de voler pour sortir et voir le monde. Oh! Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle, cette jeune fille? Rêver? Heureuse? Quel genre d'abeille es-tu, Maya? Les abeilles ne rêvent pas du tout. Oh, votre majesté, pardonnez-moi, elle ne cherche pas le mal. J'ai essayé de la placer moi-même, mais elle continue de parler de sortir à l'extérieur. C'est peut-être ce qu'elle veut vraiment. C'est ce à quoi elle doit être bonne. Nous pouvons l'envoyer chercher du nectar, peut-être. Eh bien, demandez à une abeille ce qu'elle veut être. C'est une première. Et c'est très déroutant, vous ne trouvez pas? Sachez que les abeilles sont assignées dès qu'elles sont hachurées, vous voyez? Mais si cela est bon pour la ruche, ainsi soit-il. Elle est assez âgée pour être envoyée chercher du nectar. Entraînez-la bien et laissez-la sortir. Oui, votre majesté. Et ainsi, Maya apprit tout sur les fleurs. Elle fut ensuite formée pour suivre l'essaim d'abeilles. On l'avait avertie à plusieurs reprises de ne jamais voler seule. Et enfin, elle avait été prévenue des frelons. Les frelons étaient les ennemis jurés des abeilles. Ils essayaient toujours de voler le miel et de les blesser. Mais on peut les piquer s'ils nous font du mal, non? Oh, les frelons deviennent plus intelligents, Maya. Ils portent des armures à chaque fois qu'ils nous attaquent. Seul leur cou peut être piqué, car ils ne portent pas de casque. Mais presque aucune abeille n'a réussi à piquer un frelon dans une guerre. Fais tout ce que tu peux pour ne pas les croiser. D'accord? D'accord, entendu. Maya fit ses adieux à Cassandra et partit avec les saints. C'était son premier voyage en dehors de la ruche. Au moment où elle sortit, Maya fut très impressionnée. Les arbres, les fougères, les fleurs. Oh! C'est tellement beau ici! Je peux bourdonner ici toute la journée! Chut! Nous sommes ici pour travailler, Maya, pas pour tourner en rond! Assure-toi que tu es toujours proche de l'essaim! Mais Maya n'écoutait pas. Elle était occupée à profiter de son premier vol. C'est si brillant! Oh, désolée! Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Salut! Je suis Maya, l'abeille. Et toi? Oh, toi aussi tu m'as l'air d'une abeille. Et tu es jolie, je dois dire. Oh, attends, est-ce que tu fais tout comme moi exprès? C'est très méchant de ta part. Oh, tu me fais du mal! Tu es vraiment très grossière! Bien, bien, bien. Regardez ce que nous avons ici. Un humain déguisé en abeille. Quoi? Déguisé. Ce qui signifie que tu es un humain sous les vêtements d'une abeille. Mais je suis une abeille. Je ne suis pas un humain. Et c'est aussi une abeille que tu vois là. Mais très grossière à ce sujet. C'est ton reflet, idiote! Elle n'est pas impolie! Tu es impolie avec toi-même! Tout est dans ta tête, juste comme un humain. Crois-moi, ils créent eux-mêmes la plupart de leurs problèmes. Enfin bon, que fais-tu donc ici? Oh! Je suis impolie! Je m'appelle Maya! Maya l'abeille. Je sais, je t'ai entendu quand tu t'es présentée à toi-même, juste avant. Oh, d'accord. En fait, j'étais avec mon essaim pour ramasser du miel. Oh, oh non, mon essaim, je l'ai perdu. Ils sont tous partis. Attends une minute. Tu as perdu ton chemin pendant que tu étais avec ton essaim. Quel genre d'abeille es-tu? Ah, mais que vas-tu faire maintenant? Oh, je ne sais pas. Je vais ramasser du nectar et je retrouverai mon chemin, je suppose. Eh bien, il y a un bon bouquet de fleurs juteuses juste là-bas. Tu peux essayer. Oh, waouh! C'est tellement gentil de ta part de m'aider. Merci, monsieur le criquet. Merci. Eh bien, mon nom est Hopper. Flip Hopper. Oh, bien sûr. Flip Hopper, je te remercie. Maya ramassa tout le miel possible et regagna sa maison. Elle vola à travers les grands arbres et les arbustes. Et c'était un long chemin à parcourir. Oh, je suis fatiguée. Peut-être que je peux me reposer quelque part. Je pourrai continuer à voler plus tard. À ce moment-là, la petite Maya chercha une fleur. Ah! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Pas si vite, petite abeille. Ma reine va être si contente de moi. De nous! De nous! Elle va être si contente de nous! Nous avons trouvé une petite abeille vraiment mignonne. Ne l'appelle pas mignonne, idiot! Elle est notre ennemie jurée! Ouh, tu as raison! Cette petite abeille moche aux yeux mignons! Allons, dépêchons-nous! Les frelons enfermèrent Maya dans une petite pièce. Maya eut très peur et elle essaya de s'enfuir. En vain. Que dois-je faire maintenant? Chut! C'est un plan très secret, d'accord? Écoutez, nous allons donner à ces abeilles une leçon demain. Je dois porter mon stylo rouge? Quoi? Non, pas cette leçon. Nous allons attaquer leur ruche dès demain. Soyez prêts. Que faire de celles que nous avons attrapées? Nous verrons quoi faire dès demain matin. Allez, allons aider les gardes maintenant. Les frelons ne savaient pas que Maya écoutait leur plan. Non! Ils vont attaquer ma ruche! Non! Je ne peux pas perdre espoir! Je dois sauver toute ma famille! Cette nuit-là, Maya ne put pas dormir. Elle n'arrêtait pas de chercher quoi faire ensuite. Oh! Comment puis-je arrêter les frelons? Seul leur cou peut être piqué car ils ne portent pas de casque. Mais presque aucune abeille n'a réussi à piquer un frelon dans une guerre. Mais oui! J'ai compris! Au lever du soleil, un frelon vint dans la chambre de Maya. Petite abeille! Attendez, où est-elle? Voilà! Ça t'apprendra à dire que je suis laide! Je dois avertir la reine! Maya vola aussi vite qu'elle le put et atteint sa ruche. Elle raconta l'incident à la reine. Oh! Non! Vite! Alerte les gardes! Nous devons être préparés! La ruche était maintenant prête pour l'attaque. Quand les frelons arrivèrent, les abeilles les attaquèrent avec une énergie totale. Elles volèrent d'en haut pour mieux piquer les coups des frelons. Maya avait bien enseigné sa technique aux abeilles. Les frelons étaient tous confus et étourdis. Reculez! Allons-nous-en! Ils s'enfuirent en un rien de temps. Nous avons gagné! Oui! Les abeilles sont les meilleures. Nous vous sommes tous très reconnaissantes, Maya. C'est ton courage et ton intelligence qui nous ont sauvés aujourd'hui. Merci beaucoup. Ici, c'est chez moi. Je ferai tout pour protéger notre essaim, madame. Oh, mon enfant, je suis vraiment si fière de toi. Dis-moi, que veux-tu devenir quand tu seras grande? Je veux être professeur. Je veux parler à toutes les abeilles de mes expériences et leur apprendre à être leur genre d'abeille. leur genre d'abeille. Oui, tout le monde continue de me demander « Quelle sorte d'abeille êtes-vous ? » Eh bien, je suis mon genre d'abeille. Et en réalité, nous le sommes toutes. Je veux être mon genre d'abeille aussi. Ton genre d'abeille est ennuyeux. Sois mon genre d'abeille plutôt. Eh bien, Maya, tu es une bonne enseignante à coup sûr. Et nous sommes heureuses que tu sois de retour, Maya.